Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'histoire de la théorie dite du Big Bang est une succession de malentendus. L'une des raisons en est sans doute que l'expression même de Big Bang est née dans la bouche de l'un de ses plus farouches adversaires, l'astrophysicien britannique Fred Hoyle, qui l'employa dans les années 50 pour mieux la dénigrer. La théorie existait alors depuis une trentaine d'années sous le nom d'atome primitif et ne décrivait en rien ce que le terme de Big Bang suggère, à savoir une explosion de matière bien située dans le temps et dans l'espace, la naissance de l'univers tel que nous le connaissons. Non, ce que la théorie de l'atome primitif proposait, c'était en réalité un modèle d'évolution de l'univers, ce qui est très différent. En 1996, l'astrophysicien Marc Lachiezeray levait quelques-uns de ses malentendus dans le premier épisode d'une série d'émissions proposée par Michel Cazenave. Il remettait également sur le devant de la scène les deux scientifiques à l'origine de cette découverte, pourtant méconnue du grand public, Alexandre Friedman et Georges Lemaître. Perspective scientifique, réflexion sur les origines, l'histoire du Big Bang, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1996. Marc Lachiezeray, bonsoir. Nous nous retrouvons ici ce soir dans la mesure qu'il pouvait être intéressant de se poser des questions sur l'origine des choses, en fin de compte. Pourquoi est-ce que nous sommes là et pourquoi est-ce que nous sommes soumis en quelque sorte à ce renouvellement constant du temps. Alors, je rappelle que vous êtes directeur d'études au CNRS, que vous êtes astrophysicien au Centre d'études de Saclay, que vous êtes un cosmologiste assez connu, je crois maintenant, à la fois par ses travaux, par les livres que vous avez publiés, par les articles que vous avez écrits. Alors, si vous le voulez bien, d'une certaine manière, on peut à la fois faire de la science et rêver en même temps, pourquoi pas, d'ailleurs le thème des origines s'y prête sans aucun doute, et j'aimerais bien qu'on en revienne donc sur quelque chose dont on a souvent parlé sur cette antenne, mais d'une certaine manière, les choses sont assez subtiles pour qu'on ait besoin d'y revenir régulièrement, de bien les réexpliquer, de tenir compte d'ailleurs éventuellement des nouvelles hypothèses ou des nouvelles choses qu'on en a pu découvrir. Et donc j'aimerais bien ce soir, Marc Lachiezeray, que nous revenions un peu au début de l'univers et déjà à cette simple expression du Big Bang. Puisque le Big Bang, on sait qu'au départ, ça avait été une sorte de terme de dérision dont s'était servi Fred Hoyle vis-à-vis de la théorie de l'évolution de l'univers, en disant quoi ce grand bruit en quelque sorte. Et puis bon, les choses se sont avérées, c'est aujourd'hui la théorie admise, mais y a-t-il vraiment eu en fin de compte un Big Bang? Alors c'est vrai que le terme de Big Bang porte une certaine ambiguïté qui n'est pas étonnante finalement, puisque comme vous l'avez dit, c'est Fred Hoyle qui avait inventé ce terme un peu par dérision vis-à-vis des théorie en question pour l'évolution de l'univers, ou plutôt des modèles, je dirais plutôt que le Big Bang c'est un modèle. Alors, donc cette ambiguïté, elle tient au fait que, à la fois on emploie le mot Big Bang, modèle de Big Bang, pour décrire un modèle d'évolution de l'univers, donc toute son histoire, et on emploie également ce terme pour désigner ce qui serait une sorte d'événement relativement ponctuel dans le temps, qui serait une sorte d'origine ou d'explosion. Et je pense que je vais expliquer dans cette émission que cette deuxième appellation n'est pas vraiment justifiée. Donc, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, d'un point de vue historique, je crois que c'est la meilleure manière d'aborder les choses. Ces modèles ont été rendus possibles par la théorie de la relativité générale. Et chacun sait qu'Einstein a énoncé cette théorie de la relativité générale au début du siècle, dans les années 1910-1920. Et à l'origine, c'est une théorie de la gravitation, mais très rapidement, Einstein s'est aperçu que c'était aussi une théorie de l'espace et du temps. En effet, dans cette théorie, ce qui fait son originalité par rapport à la vision précédente, qui était la vision newtonienne, c'est que la gravitation est décrite comme une déformation de l'espace lui-même, ou plus exactement de l'espace-temps, parce que dans cette nouvelle théorie, l'espace et le temps sont mêlés dans une seule entité qu'on appelle l'espace-temps, et qui est munie d'une certaine structure, et cette structure est suffisamment riche pour pouvoir prendre en compte les propriétés qu'on attribue à la gravitation. Donc Einstein lui-même, peu après avoir énoncé sa théorie, s'est aperçu qu'il pouvait l'utiliser pour construire des modèles, ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles cosmologiques, et qui sont, d'une certaine manière, des modèles d'univers. Donc Einstein, dans ce cadre-là, assimile l'univers à, finalement, un espace-temps, c'est-à-dire une sorte de cadre dans lequel se déroulent les phénomènes physiques individuels, mais aussi l'ensemble des phénomènes physiques. Et évidemment, quand on parle d'univers, on veut bien parler de l'ensemble des phénomènes physiques pris dans leur globalité. Alors finalement, l'univers, je crois qu'on peut donner deux sens à ce terme. C'est celui que je viens d'énoncer, c'est-à-dire la globalité de tous les phénomènes qui se déroulent, et aussi le cadre dans lequel ils se déroulent, c'est-à-dire l'espace et le temps. Alors chez Newton, c'était bien déjà un petit peu comme ça. Il y avait un cadre présupposé, énoncé d'ailleurs explicitement par Newton, qui était l'espace et le temps, mais Newton les considérait comme séparés et indéformables. Au contraire, Einstein va considérer l'espace et le temps comme mêlés dans une structure globale qui est l'espace-temps, et d'autre part, il va les considérer comme déformables, munis d'une certaine structure. Ils ne sont pas rigides, mais ils sont munis d'une certaine structure, une structure qui est, en partie au moins, déterminée par le contenu. C'est-à-dire, il y a une courbure de l'espace-temps, et cette courbure, ce qui la crée, par l'intermédiaire de cette interaction qu'on appelle la gravitation, c'est ce que contient l'univers, c'est-à-dire la matière, les rayonnements, peut-être d'autres choses qu'on n'a pas encore découvertes, mais en tout cas, on peut dire le contenu. Alors, bien entendu, quand on parle de l'univers, d'une certaine manière, le cadre et le contenu ne sont pas dissociables, mais en tout cas, quand on fait de la physique, il est commode de faire comme si on pouvait les dissocier, du moins pour parler de certaines questions. Si vous voulez, simplement pour qu'on comprenne bien, que je crois que l'auditeur nous suive bien, est-ce que l'on peut dire, par exemple, je vais essayer de prendre une image, que supposons que nous ayons une étoile extraordinairement lourde, en fait, dans son champ de rayonnement, enfin dans le champ de l'étoile, en quelque sorte, le temps change, le temps se déforme et l'espace se déforme. C'est tout à fait ça. Pour être vraiment fidèle à la théorie de la relativité, il faudrait dire l'espace-temps se déforme. Mais bien entendu, nous avons l'habitude, d'une part dans notre vie courante et d'autre part quand on décrit les expériences physiques les plus élémentaires, nous avons l'habitude de dissocier espace et temps. Et en fait, c'est une des propriétés de la relativité générale que localement, on a toujours le droit de dissocier espace et temps. C'est-à-dire, bien que en relativité générale, l'objet fondamental soit l'espace-temps, la théorie permet, et c'est une chance, ça la simplifie beaucoup, de dissocier au moins localement, mais quand on fait des expériences, c'est pratiquement toujours local, de dissocier l'espace et le temps. Mais bien entendu, lorsqu'on va parler de l'univers dans son ensemble, il n'est pas garanti que l'on puisse faire cette dissociation. Et c'est un problème assez compliqué en relativité générale. Et il se trouve, malgré tout, que parmi toutes les possibilités qu'offre la relativité pour décrire l'univers, a priori, eh bien, certaines de ces possibilités, et en particulier les modèles de Big Bang dont on va parler, permettent de définir de manière bien séparée l'espace et le temps. Mais c'est une caractéristique que ne partagent pas tous les modèles qu'on peut concevoir par fidélité à cette théorie, et toutes les solutions ne le permettent pas. Donc heureusement, nous sommes dans le cadre où on pourra parler d'espace et de temps séparés. Alors quand on parle de structure de l'espace-temps, puisque la relativité générale permet d'en parler, eh bien il y a deux choses. Il y a la structure que l'on peut accorder à l'espace, par exemple dire que l'espace lui-même et non plus l'espace-temps a une certaine courbure, mais il y a aussi une structure dans le temps. Et quand on parle d'une structure dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une évolution. Ça veut dire que les propriétés de l'espace évoluent dans le temps. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que si on revient par exemple à la conception newtonienne, l'espace est fixé une fois pour toutes. Il ne va jamais changer, il va garder toujours les mêmes propriétés, il peut se passer n'importe quoi, l'espace ne change pas. Au contraire, la relativité permet de concevoir que les propriétés de l'espace puissent évoluer dans le temps, puissent changer. Par exemple, qu'il y ait une expansion de l'espace. Alors, ça c'est une possibilité théorique. Mais en fait, Einstein ne l'a pas vu tout de suite. Il ne l'a pas vu tout de suite, ou peut-être qu'il l'a vu, mais il n'a pas voulu en tenir compte. Et l'histoire est un petit peu curieuse, l'histoire de ceci est un petit peu curieuse, parce qu'en fait, c'est l'observation qui a été la première à nous imposer cette idée d'évolution de l'univers. Je m'explique. Lorsqu'Einstein a énoncé sa théorie de la relativité, très rapidement, comme je disais, il a compris qu'on pouvait s'en servir pour faire de la cosmologie, et très rapidement, il a bâti lui-même un modèle d'univers à partir de sa théorie. Mais comme il pensait, et il ne pouvait pas penser autrement, puisque depuis des millénaires on pensait comme ça, il pensait que l'univers était statique, n'évoluait pas, était toujours le même, il a donc construit tout naturellement un modèle d'univers statique. C'est-à-dire un modèle où les propriétés de l'univers dans son ensemble, où les propriétés de l'espace restent toujours les mêmes, ne changent jamais. Or, petit à petit, les observations des astronomes, et en particulier des astronomes américains, donc dans les années 1900, 1910, 1920, ont montré qu'il y avait un mouvement très global dans l'univers. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, qui est mise en évidence par une sorte de mouvement de fuite des galaxies, la récession des galaxies, qui s'observe par leur décalage vers le rouge. Donc les observations s'accumulent dans les années 1910-1920 pour suggérer qu'il y a une évolution de l'univers, ce qui était bien entendu contradictoire avec le premier modèle qu'avait proposé Einstein pour décrire l'univers. Et finalement, dans les années 1920-1930, deux physiciens, un physicien soviétique appelé Alexandre Friedman et un physicien belge Georges Lemaître, comprennent que la relativité générale permet de décrire des modèles d'univers non plus statiques mais en évolution, et que ces modèles conviennent tout à fait pour décrire ce phénomène qu'on vient de découvrir observationnellement. Et là, bien sûr, il faut citer le nom de Edwin Hubble, qui était un astronome américain extrêmement compétent, mais aussi le nom de Vesto Slipher, qui l'a précédé, qui a été le premier à observer ces mouvements de fuite des galaxies. Donc Friedman et Lemaître se rendent compte que la relativité permet de construire des modèles d'univers en évolution, et Friedman n'ira pas plus loin, c'est-à-dire qu'il montre que ces théories de la relativité, ces solutions à la théorie de la relativité existent, mais il n'aura pas l'idée de faire le rapprochement avec les observations. Peut-être il était plus isolé de ces observations qui se passait aux États-Unis. En revanche, Lemaître, lui, arrive à faire tout à fait la synthèse entre ses résultats théoriques qu'il a lui-même découverts en manipulant les équations de la relativité générale et les observations, celles de Vesto Slipher, celles de Hubble. Et en 1927, il écrit un article où il décrit des modèles d'univers en évolution, des modèles d'univers en expansion. Bon, ces articles au début passent un peu inaperçus, et finalement c'est dans les années 1930-1931 que la communauté scientifique en a connaissance et reconnaît que les modèles construits par Georges Lemaître sont les bons, qu'ils décrivent bien un univers en évolution, en expansion. Et ça, c'est le prélude au modèle de Big Bang. Donc c'est quand même une nouveauté extraordinaire dans la mesure où on est obligé d'abandonner l'idée d'un univers statique, qui quand même était une idée à la base de la physique et de la cosmologie depuis des siècles, pour admettre que l'univers est en évolution. Alors, si on prenait les équations de la relativité générale, cette évolution pourrait être un peu n'importe quoi. Une expansion, une contraction ou une évolution, enfin il y a des tas de solutions possibles. Et ce sont les observations qui nous indique que parmi toutes les solutions possibles de la relativité générale, la bonne, c'est l'expansion, puisque on observe que les galaxies sont en récession. Mais de ce point de vue-là, il y a une question extra-scientifique que j'aimerais, un peu naïve même, que j'aimerais vous poser. C'est, vous dites, Einstein est dans un cadre de pensée dans lequel, effectivement, il ne peut pas penser l'expansion. Et d'une certaine manière, autant que je sache, même, il a inventé un terme spécial, c'est-à-dire la constante cosmologique, dans ses équations, pour empêcher l'univers d'être en expansion. Alors que, ce que je me demande, c'est, est-ce que quelqu'un comme Lemaître, ou quelqu'un comme Friedman, mais surtout Lemaître, dont vous parlez, ils n'avaient pas la possibilité, je dirais, beaucoup plus facilement idéologiquement, ou imaginairement, de admettre cette expansion, et donc d'admettre un peu, qu'il y avait de l'ordre de l'histoire dans l'univers, dans la mesure où l'un venait d'un pays marxiste, l'autre était chrétien. C'est-à-dire être baigné dans une idéologie où le concept d'histoire était central. On peut le penser. Alors, c'est vrai que pour Friedman, je m'étais jamais posé la question. Pour Lemaître, ça a été évidemment évoqué, beaucoup évoqué, et ça lui a été beaucoup reproché par ses adversaires, parce que cette théorie, justement, comme elle révolutionnait cette conception qui régnait depuis si longtemps, elle a été admise par une grande partie de la communauté scientifique, je dirais, devant l'évidence observationnelle, mais il y a eu également énormément de résistance à l'idée d'un univers en expansion, et également aux conséquences de cette expansion, dont on va parler tout à l'heure, qui est que le contenu de l'univers et toutes ses caractéristiques doivent évoluer également. Alors, c'est vrai donc que Georges Lemaître était prêtre, et on lui a reproché donc d'avoir eu cette idée d'un univers en expansion à cause de ses convictions religieuses, à cause de, finalement, une certaine conformité aux Écritures. Et disons que ceux qui lui faisaient ce reproche ont été ce reproche de concordisme, ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire une certaine convergence de la vision scientifique et de la vision religieuse. Ce reproche a été un peu conforté par les prises de position du pape qui, à l'époque, c'était, je crois, Pie XII, je suis plus très sûr, mais il me semble, oui, Pie XI, oui, bon, et qui s'est empressé de déclarer que cette vision que proposait Lemaître était conforme aux Écritures. Et ce qui n'a fait qu'embarrasser Lemaître, finalement, puisque Lemaître, lui, s'efforçait de convaincre la communauté que son modèle avait bien le statut d'un bon modèle scientifique et n'était pas simplement une pensée religieuse. Oui, mais si vous voulez, moi, c'est pas seulement comme ça que je pose la question, oui, de dire, c'est parce qu'il est chrétien que, c'était de dire simplement le fait qu'il était chrétien lui permettait d'envisager le concept d'histoire. Voilà. Non, mais nous sommes tout à fait d'accord. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de Lemaître, mais on sait très bien que lorsqu'on fait de la science et qu'on a une idée révolutionnaire, cette idée révolutionnaire, elle vient bien de la manière dont s'est structurée notre pensée, que ça soit la gravitation de Newton, que ça soit les lois de Kepler, que ça soit le Soleil au centre de l'univers pour Copernic, quelle que soit la découverte que l'on fait. Ça doit bien venir de quelque part, de notre imagination, et cette imagination, forcément, elle est structurée par le reste de nos convictions, par la manière dont nous sommes habitués à penser. Cela dit, je crois que c'est assez curieux de voir que, quand même, Friedman et Lemaître, qui sont dans des cadres de pensée quand même relativement différents, ont tous les deux eu cette idée d'un univers en expansion. Toujours est-il qu'en 1930, je crois que théorie et observation se complètent assez bien pour indiquer cette idée d'un univers en expansion, et la communauté scientifique l'admet, je dirais, relativement facilement. Mais ça n'était qu'un premier pas, et il y avait encore un deuxième pas à franchir, et cette fois, ce deuxième pas, Lemaître a été encore le premier à l'accomplir. Et ce que s'est dit Lemaître, c'est que s'il y a une expansion, cette expansion, elle doit entraîner des conséquences, je dirais, plus matérielles sur l'évolution de l'univers. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement, bon, l'univers est en expansion, et puis à part ça, tout reste statique et tout reste de même nature, dans la même disposition dans l'univers. Non, Lemaître, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, tout simplement, si l'univers est en expansion, ça veut dire que ses dimensions augmentent, que les volumes augmentent. Donc, si l'on prend la vision, je dirais, normale, ordinaire, qu'il n'y a pas de création de matière, qu'il n'y a pas de disparition de matière, et c'est bien vrai qu'en physique, on ne connaît pas de processus qui fasse disparaître ou apparaître la matière à partir de rien. Donc, la même quantité de matière doit se retrouver dans des volumes de plus en plus grands. Donc, il y a une sorte de dilution à l'échelle cosmique. Et s'il y a une dilution, ça veut dire que dans le passé, quand on remonte dans le passé, il y a une contraction. Donc, plus on remonte dans le passé, plus la densité de l'univers, c'est-à-dire la quantité de masse par unité de volume, devait être élevée. Et comme ça, on peut reconstituer une histoire passée de l'univers, où l'univers, tel qu'il était il y a un million, ou des millions, ou des milliards d'années, était très différent d'aujourd'hui, puisque sa densité était beaucoup plus forte. Et on sait bien en physique que si la densité est plus forte, la pression doit être également plus forte, la température doit être plus forte, l'énergie disponible doit être plus forte, etc. Donc, Lemaître en arrive à l'idée que non seulement le cadre spatial de l'univers évolue, ce que marque l'expansion, mais aussi ça doit avoir des conséquences sur le contenu de l'univers. Et très rapidement, Lemaître s'aperçoit que si l'univers dans le passé était très dense et très chaud, eh bien les planètes ne pouvaient pas exister telles qu'elles sont aujourd'hui, ni les étoiles, ni les galaxies. L'univers dans le passé devait être très différent d'aujourd'hui. Donc, il doit y avoir une évolution, une histoire de l'univers. Et le maître commence à se poser la question de savoir comment on peut reconstruire cette idée, cette évolution. Et cette idée, il la baptise idée de l'atome primitif. Et c'est un peu l'ancêtre des modèles de Big Bang. Et l'idée de le maître, finalement, est assez simple. Le maître a l'idée que cette évolution, c'est quelque chose qui rend les choses de plus en plus compliquées, de plus en plus organisées. C'est un peu l'idée du temps qu'énoncerait Bergson, si vous voulez. C'est qu'il y a, au fur et à mesure de l'évolution, une organisation. Et c'est toujours l'idée que nous avons aujourd'hui, astrophysiciens et cosmologues, de l'évolution de l'univers. Le maître fut le premier à l'avoir. Et donc, si les choses deviennent de plus en plus compliquées et organisées, ça veut dire que dans le passé, elles étaient d'autant plus simples qu'on remonte loin dans ce passé, jusqu'à atteindre une sorte de simplicité que, effectivement, on pourrait qualifier de biblique, peut-être. Et le maître a appelé ça l'atome primitif, parce que lui, ça devait être de plus en plus simple, jusqu'à, finalement, atteindre, dans un passé relativement lointain, la simplicité d'un atome unique. Et le maître, à cette époque, dans les années 1930, hein, c'est l'époque où se met en place la physique quantique. Donc le maître commence à raisonner en termes de quanta, bien qu'on ne sache pas vraiment ce que sont les quantas. D'ailleurs, je dirais qu'on ne le sait pas vraiment non plus aujourd'hui. Mais enfin, l'idée de le maître, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de quantas et que la complexification de l'univers se traduit par une augmentation du nombre de quantas. Et donc, que dans le passé, il y avait de moins en moins de quantas et finalement un seul quantum. Et le maître utilise le mot d'atome dans son sens étymologique, puisque l'atome, c'est ce qu'on ne peut pas séparer. Donc, s'il y a un seul quantum, c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas séparer. Donc, l'idée pour le maître, c'est que l'univers a commencé par un état finalement très singulier, cet atome primitif, et qu'ensuite, grâce à l'expansion, la dilution, il y a eu une complexification, sont apparues les galaxies, les étoiles, les planètes, l'humanité là-dessus, jusqu'à arriver à l'état d'aujourd'hui. Alors, en gros, ces idées-là sont celles des modèles de Big Bang, qui évidemment ne s'appelaient pas comme ça, s'appelait donc au départ l'atome primitif, et qui ont mis relativement longtemps à être acceptées, qui ont rencontré au début une énorme résistance. Alors, plutôt d'ailleurs qu'une résistance, au début, c'était, il me semble, une certaine indifférence, parce que, donc, ces articles, je pense que les premiers articles de Lemaître doivent dater 1931 ou 32, quelque chose comme ça, donc très tôt, et je crois que personne ne s'y intéresse, sauf dans les années 40-45, il y a un certain intérêt qui se manifeste par des physiciens américains autour de George Gamow, qui était un exilé soviétique aux États-Unis, parce que c'est l'époque où se développe la physique nucléaire. Et ces physiciens nucléaires sont très intéressés par cette idée de Lemaître, parce que, tout simplement, si l'univers était très dense et très chaud, eh ben, ils s'aperçoivent que ce sont les conditions initiales pour que se déroulent des réactions nucléaires. Donc, enfin, cette idée d'évolution de l'univers permet de faire de la physique, de faire des calculs de réactions nucléaires, et aussitôt Gamow et ses collaborateurs ont l'idée que tôt dans l'histoire de l'univers, à l'époque où c'était dense et chaud, auraient pu se dérouler des réactions nucléaires, justement des réactions nucléaires qui auraient permis de fabriquer tous les éléments chimiques qui remplissent aujourd'hui l'univers, carbone, azote, oxygène, l'hydrogène, puisque l'hydrogène est un élément suffisamment simple pour ne pas avoir besoin d'être fabriqué dans une réaction nucléaire, mais ils avaient dans l'idée que tous les éléments auraient pu être fabriqués de cette manière. Et ils commencent à revenir à cette idée de l'atome primitif, qui n'était pas encore les modèles de Big Bang, à travailler dans ce cadre, et finalement à se persuader que l'univers évolue de cette manière. Mais, encore une fois, cette idée déclenchera assez peu d'écho et restera dans l'oubli pendant plus de 10 ans. Et elle sera reprise encore une fois dans les années 60 par un autre groupe de physiciens américains qui retravaillent dans ce cadre-là et qui s'aperçoivent, ce qu'avait d'ailleurs déjà vu Gamow, mais il s'y intéresse davantage, qui s'aperçoivent qu'on peut faire une prédiction testable de cette idée. à savoir que si l'univers a été de cette manière très dense et très chaud, il doit subsister des traces de ce passé très particulier. Il doit subsister des traces, enfin du moins une trace, sous forme d'un rayonnement aux caractéristiques très particulières, un rayonnement à des fréquences des ondes radio, qui doit remplir tout l'univers. Et à cette époque, donc en 1964, ce groupe de physiciens à Princeton se dit que peut-être on peut observer cette chose-là. Et ils se mettent à construire un détecteur qui permettrait de le faire. Bon, l'histoire est singulière parce que ce ne sont pas eux qui vont le trouver, mais un groupe de collègues à eux qui vont trouver ce rayonnement. Bon, l'histoire est bien connue, c'est Penzias et Wilson, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, finalement, en 1965... on découvre ce rayonnement qui avait été prévu dans le cadre de ces modèles, je dirais des modèles qui n'étaient plus les modèles de l'atome primitif, qu'on n'appelait pas encore modèle de Big Bang, mais qu'on appelait modèle d'un univers chaud. Et donc, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de Big Bang étaient nés, et en 1965, on peut dire que grâce à cette observation de ce rayonnement qu'on appelle fond diffus cosmologique, la communauté scientifique, avec bien entendu quelques exceptions, se rallie à ces modèles et commence à admettre que ce sont les bons modèles pour décrire notre univers. Bien, ben, si vous voulez bien, Marc Lachaiserie, nous allons nous en arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. C'était Perspective scientifique par Michel Cazenave, réflexion sur les origines, histoire du Big Bang, avec Marc Lachaiserie, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1996. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.